Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast hebdomadaire sur la NBA. Moi c'est Gus et aujourd'hui épisode hors série. On continue sur la semaine passée avec une petite série d'émissions hors série sur les trophées. Aujourd'hui on s'occupe du MIP avec Rémi et Vincent. Salut les gars. Salut tout le monde. Salut Gus. Salut tout le monde. En forme ? Prêt à débattre un petit peu ? Des débats. Absolument. Oui. On va commencer par les petites mentions honorables alors ? Avant de rentrer dans le vif du sujet. On peut donner quelques petites mentions sur la MIP. MIP, on rappelle, Most Improved Player, la meilleure progression de l'année par rapport à l'année précédente. Donc. Effectivement, tu fais bien de le rappeler. Le tenant du titre, qui est un Knicks, je tiens à le préciser, parce que c'est très important de citer tous les trophées des Knicks. Voilà, hein, Julius Randle, merci. T'as pris ton Shekos et maintenant t'es nul à chier, putain! Et il y a un concours de dingue dégueulasse aussi dans l'année. Ouais, ça, on en parlera. Ça. On en reparlera plus tard, je pense. Allez, pour te détendre, mon Vincent, envoie une mention, s'il te plaît. Moi, en mention, j'ai mis un que toi t'aimes bien, je pense. Ah bah non, tu l'as dans ton top, peut-être. Je l'ai dans mon top, mais vas-y, tu peux le dire, parce que moi, j'ai un qui est dans votre top qu'on pourra discuter aussi, donc. Moi j'ai mis Tyrese Maxey en mention parce que c'est un deuxième année et que pour moi il a une bonne progression statistique, mais c'est vrai que étant donné que c'est un deuxième année, ça paraît un peu logique qu'il y a une évolution, donc c'est pour ça que je le rentre pas. Peut-être que si l'an prochain il monte encore, bah on verra, mais là je le mets pas dans ce top juste parce que j'ai d'autres mecs au-dessus, et qu'en plus de ça, c'est un deuxième année, donc chose plutôt logique, quoi. Ok. Rémi ? Moi, en mention, je vais mettre Jalen Brunson. On n'a pas une production statistique incroyable, il passe de 12 points à 16, il passe de 3 passes et demi à 5 et demi. Donc la production n'est pas incroyable, mais en vrai, c'est un très très bon lieutenant à côté de Luka Doncic. Il gère bien les absences de ce dernier, d'ailleurs. Et enfin, en soi, il fait du bon boulot, donc faut le citer. C'est vrai, il est vrai. Moi, ma mention, ce sera Jordan Poole. Ouais. Jordan Poole, hein, on le répète, à Golden State, qui a fait une progression en termes de points qui n'est pas si importante que ça, parce qu'il est passé de 12 à 16,4. Moi j'ai 17,9. Ah ouais, non, excuse-moi, j'ai peut-être pas les chiffres actuels. Ah, c'est possible. Moi je suis sur Basketball Reference là, donc à mon avis, ouais, c'est toi. C'est ton côté. Chiffres. Ouais, tout à fait. Mais surtout, c'est en fait, c'est qu'il a progressé dans tous ses pourcentages et dans le rôle qu'il a aussi au sein de l'effectif, et ça compte, il n'y a pas que les stats. Ouais. Donc du coup, petite mention, Jordan Poole. Voilà. Elle est méritée. Ouais, moi je le mets, je trouve que c'est pas plus que mention, parce qu'en plus de ça, je pense que jusqu'à la fin de la saison, il va prendre un peu cher au niveau du temps de jeu et tout, avec le retour de Klay Thompson. Donc, c'est vrai qu'il en a profité, en fait, pour se montrer en début de saison. Il a amélioré ses stats et tout, mais c'est vrai que là, le retour de Klay Thompson, bah, forcément, sur ton poste, ça va faire mal au niveau des minutes, au niveau des stats aussi. Des shoots et tout. Voilà, donc, exactement. C'est logique. Donc c'est pour ça que je pense qu'il ne sera pas MIP, mais ça se mentionne quand même parce qu'il a quand même fait une belle progression. Exact. Est-ce que vous avez d'autres noms en tête là, avant qu'on rentre dans le top 5? Moi je vais citer Tyler Hero. Je vais en parler parce que... Tu veux en parler? Autant pour moi. Moi c'est mon 5 Tyler Hero, c'est mon cinquième joueur de mon top 5, là, donc on rentre directement dans le top 5. C'est parti. Donc voilà, mon 5 c'est Tyler Hero parce que il est passé de 15 à 20 points par match, donc ça fait quand même 5 points de plus, c'est quand même pas mal. Il joue 2 minutes de plus, et c'est surtout que il est hyper important dans une équipe qui est première à l'Est, donc même au niveau du visuel en fait, on voit que par rapport à l'année dernière où j'ai trouvé qu'il était pas exceptionnel. Il a retrouvé de la confiance. Ouais, il a retrouvé la confiance du coach, il a retrouvé la confiance de ses coéquipiers. Et c'est vrai qu'en fait, limite, c'est la première option offensive, quoi. C'est ça. Parce que on sait qu'il y a Jimmy Butler dans son équipe, mais c'est vrai que Jimmy Butler, c'est un homme à tout faire. Donc lui, c'est vraiment, vas-y, donne-moi les ballons en attaque. T'inquiète pas, je m'occupe de tout. C'est donc, voilà, il est dans la course, il est cinquième parce que je pense qu'il va être aussi dans la course au sixième de l'année. Et Il y a des chances. après, c'est pas impossible qu'il rafle les deux trophées, mais je pense que ça va être un peu plus compliqué pour celui-là que pour celui de sixième homme de l'année. Je pense. On est d'accord. Rémi, ton cinquième? Moi, du coup, j'ai Kyle Kuzma en 5. Ok. Du coup, il vient d'arriver à Washington dans le transfert avec, enfin, contre Russell Westbrook. Il passe de 12 à 16 points, de 6 à 9 rebonds. Mais c'est surtout en termes de responsabilité qui m'impressionne, on va dire. Et il prend vraiment l'équipe sur ses épaules sans trop broncher, surtout qu'il y a eu pas mal de fois où Bid était absent. Bah, c'est encore le cas, hein. Et ouais, c'est ça. Donc, Kuzma fait le taf. En début d'année, Washington était dans le top de la conférence Est. Donc, voilà, on va dire que c'est ma wildcard. On n'a pas une production énorme, mais en vue de ses responsabilités, ça se mentionne. Et bah, dans la même lignée, moi aussi c'est une wildcard, et du coup j'ai mis en cinquième Tyrese Maxey, le Sixers, du coup, qui passe donc de 8 points la saison dernière à 17 cette saison. Donc c'est plutôt correct, les pourcentages sont extra, ils sont vraiment géniaux. Il a 39% à 3 points, 52% au shoot, toujours son petit 90% au lancer, mais c'est surtout bah, déjà dans le rôle, parce que certes il a doublé ses minutes de jeu. Mais c'est surtout dans le rôle, en l'absence de Ben Simmons, c'est de donner les clés du camion à. Enfin, donner la main à un joueur aussi jeune et qui, surtout, qui assure vraiment. C'est plus dans ce qu'il a réussi à faire, même si je sais que quand on est sophomore, c'est toujours difficile d'avoir le trophée parce que, forcément, d'une année, de ta première année à ta deuxième, tu progresses énormément. Donc, mais là, c'est surtout dans la responsabilité, etc. Et tu vois, même la preuve, là, James Harden vient d'arriver et normalement, Doc Rivers a dit qu'il resterait quand même dans le 5 majeur. Donc, Il mérite. c'est Il mérite mérité. vraiment. Et du coup, c'est ma wildcard, voilà, pour la cinquième place. Ouais, c'est compréhensible. Il camoufle bien l'absence de Ben Simmons, hein, donc. Exactement, ouais. Il fait vraiment le taf en l'absence de Ben Simmons, c'est clair que. C'est clair. Et puis il finit à des résultats. Donc, Bah ouais, voilà, c'est non, ça, il n'y a rien à exactement. Puis dire. même, il n'y a pas que en termes de points, parce que même défensivement, c'est pas Ben Simmons, hein, c'est sûr. Mais c'est un joueur assez chiant à jouer quand Ouais, même. il fait Donc, clairement le taf, hein, surtout pour son petit gabarit. exactement. Donc à voir ce que ça va mener sur les saisons prochaines. Ça se trouve, il sera aussi dans la discussion de la saison suivante, on verra. Vincent, ton quatrième. Alors moi, mon quatrième, c'est Darius Garland des Cavs, là. Ok. Mais il me semble que Rémi, c'était comme moi, toi. Tu l'as mis en 4 aussi. Ouais, tout à fait, ouais, c'est mon cas Ouais. également. Ouais. Donc on a le même choix, là. Parce que il n'a pas une progression statistique énorme. Non, il passe de 17 à 20 points et il gagne 2 assists. C'est pas énorme, mais dans le leadership, etc., bah déjà, il est All-Star. Ah Donc ouais, ça montre voilà. la progression. Hein, et puis en plus de ça, il est All-Star presque indiscutable. Même si le All-Star Game c'était à Cleveland et peut-être que ça a joué un petit peu, il est Peut-être que pour All-Star. Jarrett Allen, mais ça n'a pas joué pour Garland. Hein. Je Il pense que méritait Garland sa ça aurait place. rien changé parce qu'au final, en plus de ça, c'est le franchise player d'une équipe qui est quatrième à l'Est. Et ouais. Et ça, qui aurait pu le prédire en début de saison que Surtout Darius en Garland personne. Surtout en tiendrait l'absence de son pied? Sexton. Ouais, Ouais. c'est sûr. C'est sûr. En l'absence de Sexton, il porte l'équipe, je vais pas dire tout seul parce que l'équipe est quand même Non. bonne, mais en fait, c'est lui le patron et il est super jeune et il assume vachement bien cette responsabilité pour sa première attente, voilà, excusez-moi, pour sa première année en tant que patron d'une franchise. Donc c'est en termes de responsabilité, c'est vraiment chouette. Ouais, il y a une maturité qui se dégage et qui est assez Ouais. intéressante. Mais ça Donc ça, suffit pas pour c'est gratter cool. les places qu'il y a devant. Ouais, Exactement. bon, Bah bah, vous voyez, c'est moi, un je l'ai pas mis peu. Garland dans mon top 5. Parce Ouais. que du coup, progression stat, c'est pas comme s'il était passé de 10 à 15, tu vois. Il y a Je suis d'accord. de 17 à 20, c'est déjà un scoreur de base. C'est déjà un mec qui marque des points. Et pour moi, ça suffisait pas, même si je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Hein, mais il y a tellement de joueurs en fait que c'est pas toujours très objectif comme top 5. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, moi j'ai pas mis Garland et donc voilà. J'ai préféré mettre Tyrese en 5. Et en 4 pour moi, du coup, ce sera Anfernee Simons, le joueur de Portland, qui est dans sa quatrième saison et qui remplace du coup l'absence de Damien Lillard pour la fin de saison, etc. Et c'est surtout que bah, il est passé de 7 points à 17. Ouais. Moi je l'ai Donc, en 3, tu vois, Anfernee Simons. ouais, Vous et l'avez moi je l'ai en 3 en aussi. combien? En Nous, là, 3? En 3. Ok. on a le même podium avec Ouais. Rémi après. D'accord, ok. Moi, j'ai mis Anfernee Simons en 3, et surtout, moi, ce que j'ai relevé, c'est que de octobre à janvier, il était à 12 points de rebond de passe. Bah, Donc, avec Lillard, du coup. avec Lillard qui était là, et à partir du 3 janvier, donc depuis que Lillard n'est plus là, il est passé à 24 points, 3 rebonds et 6 passes. Oh, le monstre. C'est non, monstre. Non, c'est. Ouais, là, ouais, lui, il a vraiment, lui, il a vraiment progressé. Et c'est vrai que bon, l'absence de Lillard, forcément, ça y joue. Ouais, bah oui. Mais au final, en fait, ça a peut-être aussi. Enfin, il a peut-être même fait changer les choix du management des Blazers. Parce que peut-être que s'il n'avait pas été à ce niveau-là, peut-être qu'ils auraient plus hésité à trade McCollum, par exemple. Ouais, tout ça se trouve, à la trade Damien, ça aurait été différent, ouais. Voilà, donc tu vois, ils se sont peut-être dit, bah vas-y, en fait, on a un jeune qui tient la route, là, vas-y, il nous envoie des matchs à 40 points et tout. Il est capable, on sait ce qu'il vaut, il est à 25 points de moyenne, là, depuis le janvier. Donc, vas-y, bah tant pis, on lâche McCollum, qui est, bah voilà, qui est un joueur référencé, etc. Ouais, mais peut-être qu'on est sur l'avenir. De la franchise. Ouais, c'est ça, donc ils ont peut-être changé un peu de fusil d'épaule par rapport à ça, et je pense que c'est une bonne chose parce que je pense qu'il a encore une marge de progression, il a que 22 ans, donc pour moi, c'est un vrai candidat au titre, en tout cas. Bah, ouais, je suis d'accord. Moi, je pense que Portland, ils font un all-in sur lui, là, ils ont trade leur effectif, ils ont trade McCollum et tout, pour essayer d'entourer Lillard cet été à la free agency, mais ils prennent toujours le risque à la free agency, ils récupèrent rien, donc le risque que Lillard parte, et s'ils partent, et ben, en fait, ils pourront reconstruire autour de lui. C'est ça. Donc, c'est plutôt malin de la part du management, d'ailleurs. Et à noter qu'il est quasiment en 50-40-90. Hein. Il a juste les lancers francs, il a 88. Ah, j'avais pas relevé ça. Et ça, putain, c'est propre. Hein. Donc, sur des moyennes comme ça, c'est fort. Il est à 50-40-88. Hein. C'est vraiment pas mal. Ouais. Donc, ouais, moi, c'est mon top 4. Du coup, vu que c'était votre top 3, moi, j'ai Desmond Bane, du coup, qui est aussi sophomore pour sa deuxième saison, du coup. Mais bah, c'est surtout qu'il passe de 9 points à 18. Pareil, avec des pourcentages fous, il est à 41, il est à 49 à 2 points et à 90% au lancer. Et moi, ce qui m'a surtout fait mettre 3e, c'est que quand notre cher Ja Morant, on en parlera peut-être un peu plus tard, a été absent pendant 3 semaines. Et bah en fait, Memphis a perdu qu'un seul match. Et Desmond Bane n'y est pas pour rien, même si c'était l'effort collectif. Mais il a mené la baraque, et pour un mec de deuxième saison comme ça, je trouve ça fou. Tu vois, pareil que Garland, en termes de maturité, je trouve ça vraiment impressionnant. Et puis bah, c'est un joueur qui peut prendre feu à n'importe quel moment. Et voilà, moi je trouve que c'est un très bon jeune et qu'il faudra surveiller sur les prochaines saisons. Là, c'est trop juste pour aller chercher le trophée. Hein. Mais il est 3e. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce que tu as dit. Et moi, ce qui m'impressionne chez Bane, c'est que genre, il a déjà... En fait, déjà, il a le profil type du Grizzlies. Ouais, c'est ça. Ça défend dur, le grift and grind et tout. Enfin, c'est... Et le mec, t'as l'impression que c'est déjà... Quoi ? Elle finit cette époque du grit and grind. Il y a l'odeur dans le vestiaire. Il y a l'odeur. Clairement, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Et au final, en fait, le mec, il a déjà un jeu. J'ai l'impression. Le mec, il est déjà ultra mature pour son âge. Et au final, ça se voit dans son jeu. Ça se ressent dans son jeu. Ouais, clairement. Le staff, c'est un peu un tank. Hein. Ouais, léger. C'est sûr. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, je les ai pas rentrés, Maxi et Ben, je les ai pas rentrés mon top 5 parce que du coup, sophomore. Voilà, pour moi, c'est trop juste. Par contre, je suis assez d'accord, Ben, il est ultra cool et surtout, bah, en fait, il nous a pas fait un seul mauvais match. Il a peut-être eu des petites méformes, mais rien de. Jusqu'ici, j'ai pas relevé un seul mauvais match de sa part, donc ça, c'est chouette. Très très bon lieutenant à côté de mec qu'on va citer un peu plus tard. C'est ça, et puis c'est surtout que même si tu vois sur un match il va pas avoir d'adresse, et ben il va laisser les shoots et en fait il va faire que le taf défensif pour équilibrer la chose et quand même peser sur le match, donc c'est très intelligent de sa part, quoi. Ouais. On passe à la place numéro 2. Allez. Ouais, Vincent, et je crois qu'on a tous le même. On a pas tous le même sur le 2. Déjeuné Témeret. Moi j'ai Déjeuné Témeret, ouais. Moi aussi. Allez, c'est un all-in. Bon, bah, voilà. Déjeuné Témeret, comme ça on est tous d'accord. Et je crois qu'on est tous d'accord sur le 1-Z. Parce que c'est pareil, Déjeuné Témeret, c'est un peu comme Darius Garland. Il n'y a pas une grosse... Enfin, c'est déjà mieux parce qu'il passe de 15 à 20 points. 16 points à 20 points par match. Et il a plus de 4 assists aussi par match. Hein. Ouais. Il est à plus 4 assists par contre. Il passe de 5 à 9-3 sur la saison. 3. Ouais. Il est quasi en triple-double en moyenne. Hein. Il fait 20 points, il a 9 passes et il a 8 rebonds et demi, je crois. Ouais, 8 rebonds, 8,3 rebonds. Mm. C'est ça. Mais il est All-Star aussi. Alors Ouais. Et oui. oui, en étant repêché, tout ça, mais clairement, c'est pas non plus scandaleux, C'est parce pas qu'il fait vraiment démérité. une vraie saison. C'est lui C'est le clair. patron des Spurs. Et il Et l'assume très bien. Un peu au même titre que Garland, il assume très bien son rôle de patron. Ils n'ont pas le même bilan Okay. collectif, mais Alors il les prend bien Spurs, le oui, poste. mais c'est pas la même équipe non plus, hein. Ouais, c'est ça. Mais le poste de patron, il l'assume Non, non, entièrement. c'est sûr que ouais, clairement, Si. et il est clutch dans les moments importants, Ouais. il est clutch quand il faut. Enfin, c'est un vrai patron en fait, et il est encore jeune, hein, il a que 25 ans, donc c'est Bien sûr. pas déconnant, et je sais plus ce que je voulais dire. Si Greg Popovich a son record de win cette saison, il sait à qui le doit. Parce que l'effectif des Spurs, Tony sans Parker. Dejounte Murray. Comment? Il le doit à Tim Duncan, Tony Parker et Ginobili. Non, je parle Oui, de l'avoir sur son poste. S'il l'a dès cette saison. S'il l'a dès cette saison. sur les victoires de cette saison, parce que c'est sûr que je pense qu'il en doit un paquet aux droits. Je Oui, pense que non, non, mais bien Bones sûr. doit avoir paquet. C'est pas ce que je voulais dire. Il en Non, doit un non, gros paquet aux droits. s'il l'a cette saison, parce que l'effectif de base, tu mets peut-être pas cher en termes de win. Hein. Non, clairement, je suis d'accord. C'est Donc, clairement ouais, surpris. c'est grâce à lui et c'est top. Et Moi, Dejounte ça. Murray, j'en rajoute, les gars. En plus de ça, meilleur intercepteur de la ligue, avec deux steals. Ouais, Il a c'est égalité vrai. avec PG, mais bon, PG, il sera pas dans la course. Je pense qu'il a raté trop de matchs, donc le trophée, il va vite revenir à Dejounte. Il a joué 10 matchs, quoi, donc. Bah, c'est ça. Et en plus de ça, enfin, moi, ce qui me fait kiffer, c'est que, bah, comme je l'ai dit, il est quasiment en triple-double de moyenne. Il en a fait 6 des triple-doubles dans la saison. Il nous balance des fois des matchs à 15 assists. Il le fait pas souvent, mais il nous a balancé des matchs à 13, 14, 15 assists. Donc, même ça, c'est cool, parce que tout le monde le fait pas. Il est qu'à 6 triple double. Ouais, j'ai compté, et que 6, mais il passe souvent pas loin. Ah, Ça arrive souvent je me qu'il sens. fasse des matchs à 12 passes, 9 rebonds, 8 Me rebonds. semblait que j'avais il me semblait que j'avais fait une j'avais vu une stat comme quoi il était deuxième plus gros total de triple double cette saison, je crois. Bah ouais, mais il n'y en a pas eu tant que ça. Derrière je Je crois crois que que c'est c'est Luca qu'on a le derrière plus. Kitch, je crois. Ah ouais, je croyais que c'était Luca qu'on avait le plus. Kitch, et après c'est DeJounte, je crois. Ok, d'accord. Mais faut vérifier mes sources, parce que mais je crois que c'était ça, j'avais vu la stat. Et du coup, à la première place, vous voyez qui, vous, les gars? Ben on voit tous les mêmes, je pense. Alors, Enfin, alors. voilà, faut préciser. Ouais, Avant que je pense. les gens deviennent fous et qu'ils cassent quelque chose. À dire quoi? Les gars, désolé. Au final, il a 11 triple-double dans la saison, Dejounte Murray. Mais il va plus Ah. que c'est le Autant pour moi. deuxième, c'est le deuxième total derrière Jokic, il me semble. Ouais, c'est possible. C'est juste que Je crois. j'ai pas assez de doigts sur une main pour tous les compter, donc j'ai galéré. Et ouais, du coup, en numéro 1, avant que les gens Avant que les s'énervent, gens. On va Miles être bon. Bridges. On est tous d'accord, c'est Miles Bridges. C'est On parle plutôt de ça, mais Bridges? On parle de Bridges et après on va on vient parler de à Miles la Bridges. jump. Ça On va marche. parler de Miles Bridges, ouais, tout à fait. Vas-y, Sinon, allez, on va zapper. te laisse lancer le débat. Bah moi, Bridges, ce que j'ai noté, c'est On est à peu près tous d'accord. belle progression. On passe de 12 à 20 points. Rebond, passe, on est sur à peu près la même chose, mais 12 à 20 points, c'est une belle progression. Joueur de la semaine à quelques reprises. Très très bon lieutenant à côté de la Melo Ball. En même temps, je pense que la vie est plus facile quand t'as un vrai meneur à côté de toi. Ouais. Un très très bon poste 4 en devenir. Et puis en plus, le mec est spectaculaire, encore une fois, les gros dunks. Donc, nous Ouais. on kiffe. Et puis, voilà, les Hornets sont un bon bilan collectif. Enfin, même si là, ça chute de plus en plus. Tout ce que j'ai à Allez, dire ça sur Miles commence à être Bridges. dur pour Charlotte. Bah moi c'est surtout on va juste vite fait en termes de stats, il passe de 13 à 20 points. Il prend un rebond de plus et il fait une passe de plus, quasi, enfin une bonne passe de plus. Une passe et demie, j'ai noté, ouais. Et c'est surtout que avec donc il prend plus, beaucoup plus de shoot et les pourcentages n'ont pas tant baissé sauf à 3 points. Il est passé de 40 à 30. Mais sinon, en termes de field goal, il est à 58%, et au lancer, il est à 80, donc c'est vraiment propre. Ouais, c'est propre. Après, oui, c'est vrai que en fait, il met autant de 3 points que la saison dernière, mais il en prend presque Ouais, il en deux. prend. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, forcément, ça baisse un peu. Mais bon, après, c'est le rôle, en fait, c'est pareil, hein. Il passe de 29 minutes à 37 presque, Oui, 36. forcément. Donc, Ouais, mais ça, c'est forcément, hein, c'est. pour tous les joueurs qu'on a notifiés, hein. On a cité, les minutes, elles augmentent, hein, forcément. C'est ça, c'est C'est. logique. Si le mec garde le même temps de jeu, par contre, il augmente ses stats, là, il y a des chances qu'il soit aller MVP. Bah ouais. Bah, oui, forcément. Bah, d'ailleurs, le mec au-dessus, bref. On peut en parler maintenant, je pense que Bridges, on Allez, a fait ouais, la je pense que transition, Bridges, est toute faite. un beau Ouais, second, mais c'est fini pour toi. je pense que c'est bien, c'était bien, mais tu ne seras pas plus. Du coup, Donc, ouais, Jamorant. après, je pense que, voilà, en fait, le truc, c'est ce qu'on disait, Jamoren, je pense qu'il est officiellement MIP, en fait, c'est avec la progression. Parce que lui, du coup, c'est ce que je disais, on disait tous les mecs qui sont là, ils ont plus de minutes. À lui, il a 1 minute de plus à peine. Et par contre, il a 7 points de plus. Ouais. Il passe de 19 à presque 27 points de moyenne, donc ça fait même 8 points de plus. En début de saison, il y en a qui ont ri au nez quand il a dit je suis top 5 des meneurs de la Top 5 ligue. meilleurs ennemis. Et J'en faisais partie, hein. aujourd'hui, on se dit bah en fait, c'est quoi? C'est le deuxième ou troisième meilleur meneur de la ligue? Bah, peut-être Moi, je rigolais, troisième. hein. Je faisais partie de ceux qui rigolaient. Troisième, quand même. Mais oui, mais moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, j'avais dit, en fait, moi, quand il avait dit ça, j'ai dit, bah, doucement, Coco. Ok, d'accord, je pense que. Peut-être que d'ici 3-4 ans, ok, vas-y, tu seras peut-être vraiment dans les top 5 des meilleurs. Non, Mais non, que il ça l'est. arrive aussi vite, en fait, parce que, C'est enfin, bon. et même, enfin, le joueur que c'est, en fait, c'est trop kiffant. Il est trop kiffant cette année, c'est Il est beau à incroyable. regarder. En plus de ça, la production est là. Il est clutch. Il est impressionnant. Il va faire des contres. Laisse tomber. Il amène son équipe troisième à Memphis, ils l'Ouest, sont c'est pareil. troisième. Ouais. Au milieu En de début de certains mecs. saison, Au milieu de certaines franchises où c'est dur de se classer troisième quand même. c'est clair. Donc, qui en début de saison aurait pu dire, bah, Memphis troisième à l'Ouest. Je peux vous dire, j'ai des potes fans de Memphis, bah, ils m'auraient filé 100 balles en me disant, bah, vas-y, je veux que ça arrive. Ouais, C'est sûr. Bah, non, mais enfin, faut dire ce qu'il est. Et en vrai, c'est lui le patron de cette équipe qui est troisième. Alors, c'est une équipe jeune et tout. Mais ouais, mais le mec, il est patron, quoi. Un pas vrai patron. clairement. C'est un Hein. vrai Il est patron. All-Star. Et le mec a 22 ans. Ouais. Il Titulaire 36 ans, All-Star quoi. Game, comme tu dis, Gus, des matchs à plus de 40 points, le patron totalement assumé, non seulement par lui, mais par toute la franchise, tous les fans de Memphis, tout le monde ne jure plus que par lui, et en même temps, il y a de quoi. Hein. C'est sûr. Et dans tous les highlights, quand tu regardes tous les top 10 de la nuit quand Il Memphis y a joue, forcément tu sais Jamal. qu'il y a Jamorant. Déjà, c'est logique parce qu'il y a juste à faire un petit cloche-pied et sa tête touche l'arceau. Donc c'est compliqué, tu vois. Ça, c'est sûr que ça aide aussi. Hein. Non, non, mais Sur le c'est banc, sûr que c'est. ils ont préparé la glace parce que dès qu'il fait un jump, il touche quelque chose. Donc c'est terrible. Mais c'est vrai que c'est. Enfin, même pas que. Tu dis, par son équipe, il est. Tout le monde est d'accord là-dessus que c'est lui le patron, etc. Mais en plus de ça, personne, genre, il n'y a pas de. Enfin là, la NBA, enfin, qui est Jamorant, en fait? Il n'y a pas que son équipe. Genre, tous les mecs à la NBA, ça kiffe Jamorant, tu vois. Hormis qu'ils se font péter le cul tous les soirs, mais ça c'est différent, ça. Donc, ouais, il nous fait vraiment une saison. Mais en fait, il nous fait une saison de MVP. Mais dans cette saison de MVP, bah oui, enfin, il est MIP parce que. La progression statistique, elle est là. Le rôle qu'il a, il a changé, enfin, plus ou moins, parce que c'était déjà plus ou moins lui le patron l'année dernière. Mais là, c'est vraiment assumé et il prend vraiment ce rôle à 100% et il le fait très très bien. Donc voilà, c'est lui le MIP. Après, est-ce que du coup la NBA va pas directement le mettre dans le trophée de MVP parce que Moi, je il vois peut pas de raison aussi être. de ne pas pouvoir être MIP parce que tu es dans l'institution du MVP. Ouais, mais. Pour nous, oui, parce que clairement, oui, et puis ça serait. Enfin, en plus En de fait, moi, ça. je pense que c'est même possible d'avoir le MIP et le MVP la même saison. Après, je pense pas qu'il aura le MVP. Hein. Non, je pense pas non plus. Mais Mais du coup, techniquement, s'il est c'est pas podium ou possible, top tu vois. 5, ça se trouve, il sera podium ou top 5 MVP, et du coup, il va avoir le MIP. Et ouais, du coup, voilà. Par contre, l'année prochaine, il n'y aura plus de discussion. Tout le monde va l'attendre à 27 points de moyenne, tu vois. Donc bah, là, il va falloir qu'il assure derrière. Moi, je l'attends même à 30 points l'année prochaine. C'est un collectif, Memphis. Il joue pas à Détroit, le gars. Je rigole à peine, en vrai. Il peut vraiment faire, hein. Oui, je dis pas qu'il peut pas. Je dis que dans la construction de l'équipe de Memphis, ça va être compliqué d'aller chercher, enfin, pas compliqué, mais d'aller à 30 points avec la physionomie du coach et tout. Le ballon bouge beaucoup. Il y a Jaren Jackson Jr. à servir. Il y a Desmond Bane à servir. Donc, tu vois, aller à 30 points, bah, je lui souhaite, hein, bien sûr. Mais pour moi, si déjà il confirme à 27 points, déjà, ce sera. Ah, bah, oui, je suis entièrement d'accord. Mais en plus de ça, on n'en a pas parlé, mais il a des pourcentages plus que corrects, en fait. Ah bah oui, non, mais il est correct dans tous les domaines. Hein. Attends, je l'ai sous les yeux. Parce qu'il est à 2 points, il est à 33% à 3 points. Parce que c'est pas non plus, ouais. Il n'est pas catalogué comme un shooter. Non, c'est pas un sniper. Hein, mais il est correct. 33% à 3 points, c'est correct. Quoi. Tu peux pas le laisser tout seul, enfin, c'est impossible. Non. Et il est à le petit bémol au lancer, 75%, c'est pas extraordinaire, mais bon. Ça va, hein. On en a d'autres, des joueurs qui ne sont pas extraordinaires au lancer, genre le meilleur de l'histoire, qui est un numéro 6 et qui joue les cartes, qui n'est pas extraordinaire au lancer. Mais ça arrive même au meilleur, quoi, c'est ça ce que je veux dire. Il lâche ça comme ça, il n'a pas peur. Heureusement qu'on enregistre en distanciel. Il y a des claques qui se perdent. Vous faites les montages et ils vont cut ça, putain. Non, je vais le laisser. Je ferai le montage, Gus, je ferai le montage. Non, je m'en occupe. Est-ce que c'est toujours le joueur qui met le plus de points dans la raquette? C'était le cas il y a un mois. Je ne sais pas, ouais. J'ai pas relevé cette stat, c'est possible. Ça, c'est pareil, c'est encore. Enfin, c'est énorme. Bah ouais, devant les pivots, etc. Comme on disait il y a 3 semaines, 4 semaines, je sais plus. C'est le seul extérieur qui fait ça depuis. On avait relevé que c'était. Je sais plus. Drexler, peut-être? Non, je remonte trop loin, peut-être. Il y a moyen, ouais. J'ai pas la stat, ce serait bien qu'on la trouve maintenant qu'on a évoqué le truc. Moi, je voulais rajouter sur Ja Morant. Les Suns n'ont pas perdu beaucoup de matchs cette saison. Ja Morant, lui, il leur a mis un game winner. C'est vrai. C'est le genre d'action, tu vois. On parle des Suns comme l'équipe intouchable, entre guillemets, cette saison, parce que l'équipe est vraiment bonne. Et lui, il se permet de leur mettre un game winner. Le mec est clutch, le mec assume de pouvoir prendre ce genre de shoot à aussi jeune qu'il est. Enfin, et oui. Non, clairement. C'est ce genre d'action aussi qu'on veut voir pour un MVP. Et même pour un MVP. Ouais, du coup, la stat. C'est Ja Morant qui est le plus grand nombre de points par match dans la peinture. Il a 16,4 points par match dans la raquette. Et le mec domine est devant des Giannis. Les 5, c'est Ja Morant en 1 du coup. Et derrière, c'est Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, Anthony Davis, LeBron James. Non, il n'y a pas des. Ah ouais? Ouais. Ah, le feu. Mais Et du coup, en termes de comparaison, moi je le vois comme un Derrick Rose. Ah, bah oui, non, mais clairement, on en parlait encore il y a quelques semaines, c'est le même profil. À la seule différence que Ja Morant il a annoncé être top 5 meneur et Derrick Rose avait annoncé être MVP. Et à la différence que Ja Morant pour l'instant a des genoux. Oui. En espérant, parce que et c'est. Et on lui souhaite qu'il les garde. Hein. Ouais, parce que c'est des jeux à risque et en fait, on sait très bien que les jeux à risque comme ça. Il y a des risques de blessures. Hein. Regarde Zion, c'est déjà mort. Ouais. Zion, et puis même, il y en a d'autres. Enfin, c'est genre Derrick Rose, des mecs comme Roy. Ça qui sont au cercle. Brandon Roy, c'était encore différent. Et encore, Brandon Roy, c'était un peu différent parce que c'était aussi un shooter. Il faisait pas que. Parce que là, c'est vraiment. Ouais, mais il était pas tendre avec son corps. Non, c'est sûr. Mais là, Ja Morant, il est pas tendre non plus. En tout cas, en 2011, enfin 2010-2011, Derrick Rose, moi, c'était clairement mon joueur préféré vu le style de jeu. Là, je vous gâche pas que mon joueur que je kiffe le plus regarder en ce moment, c'est Ja Morant. Hein. Ouais, c'est clair que là. Je croyais que t'aurais dit DeMar DeRozan, mais. Non, mais ça, c'est Chicago. En vrai, j'aime beaucoup le joueur et tout. La franchise est cool et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais non, le joueur que vraiment je kiffe le plus regarder, c'est Ja Morant actuellement. Mais actuellement, la hype qu'il y a autour de lui, en fait, c'est incroyable parce que. C'est fou. Titulaire indiscutable au All-Star Game, enfin, c'est vraiment une saison de malade. Quoi. C'est là, dès qu'il y a un match de Memphis avec une horaire abordable, je suis devant. Hein. C'est clair. C'est ça le truc, c'est que les horaires ne sont pas abordés. C'est ça. Foutu conférence Ouest. Conquest, ouais. C'est pour ça que j'ai choisi New York. Oh damn. Il choisit New York. Voilà pour notre top 5 sur la course au MIP. N'hésitez pas à nous dire qui vous avez dans votre top 5 et pourquoi pas en leader. Ou si on dit des conneries, n'hésitez pas à nous le dire aussi. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast et sur notre plateforme PodCloud. On est aussi sur Twitter et Instagram @WakeUpNBA. On se retrouve vendredi. Des bisous. Ciao. Ciao tout le monde. Salut tout le monde.